sais que la musique c'est comme la drogue. Tout ça, ça dure qu'un temps. À chaque contrat, je la prends 3 millions. Fils d'up, j'ai pas 20 ans. Ça fait longtemps qu'on peut mon oseille. Pourtant, je fais content. Ça fait longtemps, pourtant que je suis plus content. Que j'ai pas compté le temps. Autant le dire, je braque depuis les francs. J'ai dormi sur les bancs, pourquoi mentir? Avant d'être un capot, j'ai gravé tolérant. C'est embêtant. Sur moi, j'ai le pétage. Je roule sur un peu de temps. Il faut de l'argent quand ta vie en dépend. Tu tombes dans tous les plans. C'est ta meuf qui va te baiser. Oh, c'est ton rêve qui va te carotte. J'ai vu des choses du haut de mes 15 ans. J'en paraissais 40. La vie est belle, mais courte. Alors, je me sers d'elle. Joue pas au con, la mort est certaine. Dios mio, amore mio. Les microbes ont pris un tournant sans mettre de clignot. C'est chacun sa mère et Dieu pour tous, amore mio. Dramatique musique, la muerte vient pas de Rio. J'touche ou pas de vice, quartier nord à risque. Nique c'est mort le fisc. C'est soit des détonations de M16 ou vendre des disques. 9 milli, ça te fout moi pour le milli. Personne se réconcilie et que ça t'humilie. Non, j'suis un ancien comme les points morts aux vaches. Le pollen pas la mâche. Tu sais que j'm'en bats la rage, j'rappe à l'arrache. Tu sais que j'm'en bats la rage, j'rappe à l'arrache. Ce que je veux faire c'est du cash, pour ça que j'ai nagé dans les marécages. Je joue pas les King Kong, bing bing. Si tu frappes comme à Hong Kong, on t'arrache tout ton bling bling. J'enclenche le DRS, vous laisse en PLS. Je rentre à la test, wesh le S, y'a les CRS, la guin guin. Passe-moi le mic, j'en fais de l'arfissa, y'a pas de fixe, on met de la risa. Même plus trop les autres là, se croit avoir tué Sidna Issa. Depuis petit déscolarise, on a vite misé sur la résine. Tu fais le fou mais t'es la résine. S'rap t'as des contacts au Brésil, mec chez nous t'inquiète c'est précis. Si on t'aime pas personne t'apprécie, 700 E c'est le prix du pressing. Imagine toi celui du dressing. Pour faire des papiers, t'inquiète pas que je connais la recette. À Star, si quand on parle de jet, c'est ni 31 ni 27. Ouais, belle quand tu te confies, car les petites gouettes vite le go. Faut de la business, faut plus d'écho. Marche charger les filles d'Atego. Et ouais, ça y est, c'est le classico des Marseillais, des Parigos. Si, si, da, ouais, tu nous n'éco, non, pile les liasses comme des Lego. Les poursuites, les rafales, le bon shit, c'est nous. À 200 avec les 100 sur le périph', c'est nous. Les mythos, les bookies, on en décaisse chelou. Une rafale dans ton corps, ça vise pas le genou. J'prends que le game comme Ferrara. Comprends pourquoi je me fais rare. J'fumais la weed au volant, je disais que j'allais tout niquer, écrit haha. 25 piges, j'avais le féfé. J'traînais où y'avait des rares. Tu chies dans le bloc, des sous dans les couilles, les sifs qui montent à cri haha. On porte pas de couilles, pas de papa, on fume la moula, on prend pas des CC. Wesh ma cousine, j'veux le work pour celle qui m'a tout donné, j'parle de mama. J'me rappelle cette année là où ça volait des fortes fiesta. La rue c'est pas rose, tu peux canner si tu mènes une vie de gangsta. Il est fou ce monde, ça jalouse quand tu fais de l'avant. Sur la moto avec capot, tu es blanc quand on déboule à deux. Et le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. T'as croisé ma ganache dans tous les quartiers de Marseille à Bana. On a respecté la jalousie comme la musique c'est haram. Sans émission comme nous jalousie. Vrai de vrai j'suis comme d'un ouzi j'suis. Faut pas que le rap nous bousille. Younes, Karim et Kassim, on a tous le même discours. La violence et la misère je les vois partout comme le Zinjoul. Et quand la mif souffle on les joue tous comme dans le film chou. Boss de la rime sous vodka homme j'suis sous. On a le mental, le métal, le montant, le sens du détail. On m'étale dans un état regrettable. La putain de ta ouais étale pas des états d'âme. Faut choquer les bâtards, faut poser les calages. Faut stopper les gars. Je veux la guerre, je vous attends, venez. Tu vas t'affoler, besoin d'une bécane. Wesh le J, sors le cross volé. À la tienne, ma mère dans un jet. Waribou Medienne, j'ai le sang chaud comme Ribéry. Le sang chaud comme Boumedienne. 6h pile, la police t'appelle au joli de pète à poil. Je suis Herbel, je vais voir Alonso. Avenue de Saint-Antoine. Depuis que papa n'est plus présent, je ramène le flic à la maison. Mister You dealer le sang. C'est la rue puis la prison. Des frères qui perdent la raison pour un gros cul ou un réseau. Des couples shit sur du Niro. Maman t'avais raison. La cala ou le Uzi. Le mili ou le fusil. L'Eden ou la musique. Je reviens de Cannes, on prend les prix, les médailles et les Oscars. On prend les love et on style. Mode VB en style. J'suis ici, j'suis là-bas, j'suis partout, même si j'suis quelque part. Au milieu du peuple, comme la putain de Copa. J't'emmerde, j'fais la même merde que Big Popa. C'est le grand classico, j'ai remis la perte Copa. J'suis un 3 dramatico, comme Américo. Tout pour la femme à illico, format hélico. Eh ouais, Chico, que la plata, ça rend trop psycho. Mais la retraite, c'est pour Serpico, ça rend trop pico. À l'horizon, courant paro, la loi de la cahier. Si trahison à son tarot, ton nom sur le cahier. Un petit raillé, cœur mitraillé, mais pour ravitailler. Et si tu nous vois enfouraillé, faudra vite tailler. Mauvais karma, tout le monde magma. Tout ira mieux manana, pardon à mes mamas. Jamais au-dessus du macadama, dans la tête c'est le maracana. Pas physique dans la banane, petit pas avec madame, on y va calme. Ah, des kilomètres de bon char, mes sorts pleurent plus maintenant en rien. Cœur de pierre, quart de siècle atteint, je peux cartonner tous les soirs. Grâce à la cellule, je connais tous vos sons. Je commence tout doux comme à Belleville ou à Cambrai. Je sais bien que ces deux traits m'attendront au virage. Mode, hey, je vais le tuer. On se défend donc on attaque. Tac, tac, tac, je fais du rap de pauvre. C'est sur France, c'est le 9-3, donne-moi du temps et des loaves. Si, si, si, ce que Dieu nous épargne, c'est nous la cahier. Je suis détroit et laisse-moi faire, je ne suis pas comme eux. J'ai déjà braqué pour pas, oui, non, s'en vante pas, on n'avance pas. Je suis gentil, souriant, mais je peux trop lire. J'ai cru que j'allais péter le million cette année-là. Mystère et suspense, jamais on sucera. C'est fond qui peut te faire. famille, j'écoute pas trop leurs conseils. C'est pas tout le monde, c'est mon sang, j'attends la sortie de mon zeuzeu. Les poursuites, les rafales, le bon shit, c'est nous. À 200 avec les 100 sur le périph', c'est nous. Les mythos, les bouquins, on en des caisses chelous. Une rafale dans ton corps, ça vise pas le genou.